sous mes vêtements. Cette pute fait pas le bonheur mais cause la plupart de mes embêtements. Ne nous traquez pas, y'a rien de grave pour le peu qu'on puisse. Citez-les seulement pour qu'on puisse graille, juste deux trois combines. Tous m'ont dit de faire gaffe, maintenant je tousse, me refaire en douce. J'espère le faire en coupant quelques douces. Je ne veux pas de vos partous où tout le monde se suce. Pas grave, j'assumerai mon parcours, même s'il faut qu'on souffre. Bienvenue dans un monde où tout se paye, t'es mort si t'as pas de bif. Dans ce monde où tout le monde se ken, noir ou blanc y'a pas de tif. Bienvenue dans un monde où si t'es poche, on sent une ou si t'es proche, on ceux qui s'accrochent. Même le couteau sous la gorge, la tête pleine de doutes. T'étonne pas si parfois je m'emporte, je redoute. Qu'à 6 du mat, les chemises frappent à ma porte, même quand je dors gros. Le bif m'obsède, je rêve de devenir un millionnaire et vite que je me barre au state. On est soldat comme Ryan, une gélule, une grosse banane. Ma jungle est sans liane, mais les cris de Tars résonnent. Un mixage d'animaux qui étonnent, dont l'humain s'en passionne. De l'extérieur, ce monde fascine, on encaisse, tel des machines. Constamment à pas de vide bohémien, pas de 4 pattes, alors je consume l'eau plate avant que salive devienne pâte. Fait mousser le monsieur, seigneur, je gros perso sans paix, juger ça jusqu'à ce que mon teint change. Fouille à Dieu qui me juge, tu te fais ragal, tu t'en lâches une exécution se fait à genoux. T'es fou, j'ai trop de jeux cool à l'air de nos six coups. A qui la faute sur nos six cons? Ça parle de Karcher ou de Bégon. On serre les coudes au ballon, on s'entretue pour du pilon. Grognon, mes têtes veulent du pognon. Et si je juge à le chignon, parle trop mal, vas-y, c'est bon. Fous de la récidive et des matons. Il est à l'abattoir comme des moutons. Garde levé, colo au menton. Mon pote, c'est 3, 5, 7, piton. Première loge, je fuis du balcon. Sale journée, je mate le reflet de mon passé dans cette flaque d'eau. Rien a changé, je me sens naufragé comme dans ce paquebot. Nos vies ne se résument pas qu'à fumer. Passer des nuits à traîner, entraîné par le vice et se faire engrainer. La merde autour de moi se cumule, je me suicide à la frappe. Monsieur Flash, coupé Red Bull, j'essaie de passer un cap. Dehors, je m'en sors, ouais, je fais la poule, la poisse me lâche, hop. Toujours en bande, mais je me sens seul, vie au jour le jour, je m'entame. Fini l'espoir de contact, on vous baise, y'a pas de compète. C'est coûte sur CD compact, dans mon équipe y'a pas de trompette. Pas de créatine, pas de gonflette, pas le temps de lever des haltères. La muscu, c'est un concept, je préfère gratter des sales textes. On se fume à se bouche et les artères, des trous de boulettes comme des cratères. J'aime pas les boîtes et les afters, ils planent tous comme des gratte-ciel. À l'époque j'étais un gratteur, cette heure-ci je suis toujours le même. Tiré par le bise et l'oseille, comme un vieil ours pour le miel. Je vais pas me taper pour les miettes, passe la boule et tout camel. Je mets à l'abri tous les miens, faut un paquet d'une sa mère. Ça vend des tubes, des lamelles, depuis l'époque des bombeurs. De 30 berges, toujours la même, sauf qu'il faut coffrer des pampers. Sans pas les couilles de tes plans 16, je préfère me casser le dos à l'usine. Niquer mon temps dans la musique, rager des balles comme un fusil. Faut me faire péter un fusible, sous des faux trop caramel. Vous avez mis le rap en galère, donc je mets le museau dans la gamelle. On s'emballe plus, depuis que c'est fini de se faire des cadeaux. Je pense que c'est normal de couler vu qu'on a des idées bateaux. Vous me faites trop mal au cœur à chercher votre part du gâteau. Si on rame c'est plus facile pousser longtemps dehors du radeau. Microphone check, on arrive et c'est last deck. C'est du lourd et des fast techniques avec des casse d'aide. On a une logique à faire peur le grand casse-tête. De la vie et ça depuis qu'on fume des gros camas d'herbe. On s'enterre depuis qu'on a des idées morbides. On soulage pas en se défonçant en écoutant du mob deep. G-L-O-C-K-I-S-I-S, M-I-K, fume un gros Bédo, c'est qu'à la tête et pousse la moussica. On a la tête en l'air depuis qu'on a touché le fond. Fonce, téléporte, il le faut sans se poser de questions. Je me pète une phalange car j'ai mis doigt dans l'engrenage. Au passage, câlin un gros majeur à tous les rageux. On sait lire entre les lignes celle de votre cocaïne. Tu peux pas sentir la merde vu que t'en as plein dans les narines. Arabe, des grossesses, des séries de jab, des crochets. J'esquive la juge, les gardables, aspipe le jap. Les procès, à vrai dire, je suis pas à ma place. Genre un clébard dans un jeu de qui. Un clochard dans un palace, une aiguille dans un junkie. On se fume à petit feu, c'est au dernier qui restera debout. C'est la merde, depuis que du rollo on est au bout. Je peux dire qu'il n'y a pas que les boulimiques qui passent à table. On avance au pas à pas et ça depuis le placenta. Arc, arc, arc, si G-L-O-C-K, L-O-C-K.